The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Sorry. Navré. To retake. Reprendre. Disturbed. Perturbé. On time. À temps. Now, a bit faster. On time. À temps. Sorry. Navré. Disturbed. Perturbé. On time. À temps. Disturbed. Perturbé. To retake. Reprendre. On time. À temps. To retake. Reprendre. Now, use the words in context. Perturbé. He was so disturbed by that accident that he went to see a psychologist. Très perturbé par cet accident, il a décidé d'aller voir un psychologue. Perturbé. Why is she all disturbed like that? What's happening? Pourquoi est-elle perturbée comme ça? Que se passe-t-il? Conseiller de. He advised me to get a lawyer. Il m'a conseillé de prendre un avocat. Reprendre. I don't really feel like getting back on the airplane. Je n'ai vraiment pas envie de reprendre l'avion. Attends. If you can't show up on time for the interview, your application will be eliminated. Si vous ne pouvez pas vous présenter à temps pour l'entretien, votre candidature sera éliminée. Navré. She didn't really seem very sorry when she said that to him. Quand elle lui a dit ça, elle n'avait pas vraiment l'air navrée. Perturbé. He was so disturbed by that accident that he went to see a psychologist. Très perturbé par cet accident, il a décidé d'aller voir un psychologue. Perturbé. Why is she all disturbed like that? What's happening? Pourquoi est-elle perturbée comme ça? Que se passe-t-il? Conseiller de. He advised me to get a lawyer. Il m'a conseillé de prendre un avocat. Reprendre. I don't really feel like getting back on the airplane. Je n'ai vraiment pas envie de reprendre l'avion. Navré. She didn't really seem very sorry when she said that to him. Quand elle lui a dit ça, elle n'avait pas vraiment l'air navrée.